t'apprends pas comment t'en sortir. Marcher, tomber, se relever, courir. Rêve encore quand t'as pas un centime. Rêve encore quand tout est réalisé. Je viens de là où celui qui mange est riche. Je viens de là où personne ne joue sans tricher. Aujourd'hui ma tête est sur l'affiche. M'écouter c'est devenu presque obligé. Obligé. J'hallucine quand je vois tout ce que je transforme. C'était noir quand mes poches n'avaient pas de forme. Je reste éveillé quand il s'endort. Faut bien quelqu'un pour prendre soin de la mif en premier. Pour eux je fais ce que je dis et j'ai dit depuis que l'avenir serait ça comme. Si Dieu donne, c'est sur le terrain qu'on apprend la vie. C'est pas après qu'on veut ton avis. Arrêtez de faire semblant, la jalousie reste une maladie. Mais je calcule plus tout ce qu'un tel a dit. J'ai déjà 3 enfants, mes diamants coûtent 10 000 fois le billet vert. Il fait pas froid qu'en hiver. Toujours marié à ma Miss Univers. Oui. Hey, on t'apprend pas comment t'en sortir. Marcher, tomber, se relever, courir. Rêve encore quand t'as pas un centime. Rêve encore quand tout est réalisé. Je viens de là où celui qui mange est riche. Je viens de là où personne ne joue sans tricher. Aujourd'hui ma tête est sur l'affiche. Écoutez, c'est devenu presque obligé. Obligé. Allez viens que moi-même j'ai confiance en moi. Personne saura faire ce que tu veux mieux que toi. Réussir ou tout perdre, tu choisis quoi, tu choisis quoi. Et réussir ça veut dire quoi. Les teams demandent comment faire pour devenir moi. Devenir moi. Je les intéresse plus qu'un cours d'histoire. Faut tomber par terre, oui. Faut savoir quand se taire, oui. Accepter de tout perdre, oui. Avant de se refaire, oui. Et quand la balle partira des mains de ton frère, serre les dents. Je roule quelque part. Et dans l'auto quand je lève la tête, la galaxie me parle. La lune est complète ce soir. Tous les jours sont la fin de l'histoire. Personne ne le fera mieux que toi. Noah. Hey. On t'apprend pas comment t'en sortir. Marcher, tomber, se relever, courir. Rêve encore quand t'as pas un centime. Rêve encore quand tout est réalisé. Je viens de là où celui qui mange est riche. Je viens de là où personne ne joue sans tricher. Aujourd'hui ma tête est sur l'affiche. M'écouter c'est devenu presque obligé. Obligé. Allez viens que moi-même j'ai confiance en moi. Personne saura faire ce que tu veux mieux que toi. Les sous, toujours les sous, parce qu'on a peur de ce qu'il y a en dessous. Les sous, encore les sous, ça finira par nous rendre fous. Les sous, moi j'ai déjà tout gagné, j'ai le même discours, je suis pas guéri.